premier temps, la distinction que fait Étienne Klein à plusieurs reprises dans son œuvre, j'ai lu en particulier trois de ses textes, j'ai aussi feuilleté, regardé deux ou trois autres, mais j'ai particulièrement étudié dans l'ordre de, d'édition « Le temps existe-t-il ?», petit livre chez l'éditeur Le Pommier en 2002, « Les tactiques de Cronos » chez Flammarion en 2004 et « Le facteur temps, ne sommes jamais deux fois » en 2007. Trois livres consacrés, c'est-à-dire essentiellement, principalement, à la question du temps, et la question du temps en physique. Et à plusieurs reprises dans ces livres, ce sera mon premier thème, Étienne Klein différencie, j'allais dire assez radicalement, le temps en soi de la physique et les temporalités qu'il appelle à plusieurs reprises phénoménales au pluriel et qui sont extrêmement multiples et diverses et généralement accompagnées d'adjectifs temporalité psychique, temporalité cosmique, temporalité physique, etc., etc., etc. Et j'essaierai de m'interroger sur cette différenciation du temps en soi au singulier de la physique et des temporalités phénoménales, disons, de la plupart des autres disciplines. Dans un deuxième temps, je reviendrai sur le point qui me paraît le plus crucial, le plus délicat également, peut-être le plus controversé du temps traité par la physique, la question réversibilité ou irréversibilité, qu'il appelle aussi dans ses œuvres la différence entre cours du temps et flèche du temps. Et je m'interrogerai sur cette différenciation et sur cette sorte d'intemporalité fondamentale du temps dans la physique moderne. Le dernier moment de mon exposé concernera la relation entre ce temps physique et éventuellement ses temporalités également physiques et les temporalités psychiques et sociales, considérant qu'on peut en gros différencier trois grands groupes ou ensembles de temporalités se déroulant dans le temps, des temporalités d'ordre phénomène physique, des temporalités psychiques, psychologiques et des temporalités sociales, en essayant de m'interroger sur la relation entre ces trois univers de temps, sur trois manières d'appréhender le temps, sur les modèles qui sont à l'œuvre dans ces trois univers scientifiques. Premier temps, donc, sur le temps, la différenciation entre temps en soi et temporalité au pluriel, phénoménale, que j'ai trouvé pour la première fois dans les tactiques de Cronos à la page 82, pour ceux qui voudront ensuite aller regarder les choses de près. La physique, dites-vous, fait une distinction entre ce qu'est le temps, entre parenthèses, en soi, et ce qui se passe dans le temps, que vous appelez à plusieurs reprises des temporalités. La question que je me pose d'emblée, c'est est-ce qu'il s'agit de réalité, de phénomènes radicalement différents, ou est-ce qu'il s'agit de points de vue ou de modèles qu'on peut éventuellement considérer comme compatibles ou complémentaires. La ligne du temps, ou encore cours du temps, diffère-t-il absolument de ce que vous appelez flèche du temps? Vous insistez dans votre ouvrage de 2007 sur le couple le temps réversible, en particulier celui des équations de la dynamique de Newton. Ce sont les équations qui sont réversibles, pas le temps. Oui, oui, bien sûr. Le temps qui intervient dans les équations hein, de x égale 1 demi de gt2, v égale gt, et le g, la gravitation. Est-ce que s'agit de ce petit t des équations de la dynamique et ce que vous appelez les temporalités irréversibles, c'est-à-dire de tous les phénomènes marqués par l'accroissement, je veux dire irréductible, l'accroissement de l'entropie, c'est-à-dire tout ce qui naît, qui croît et qui périt. Le temps en soi de la physique, est-ce que je dois ajouter théorique, je ne sais pas, selon vous, n'a pas d'histoire et constitue une sorte, je cite toujours les temps pour le Tactique de Chronos, page 212, une intemporalité explicative fondamentale. Je cite. C'est le temps mathématique hein, intervenant dans ces équations de la mécanique, c'est ce temps qui est radicalement incompatible, radicalement hétérogène par rapport à l'usage du temps dans le langage courant. Je me suis amusé, mais je ne vais pas le faire devant vous, mais je n'ai pas fini de le faire, à accumuler les citations de poèmes ou de chansons sur le temps s'en va, madame, lasse le temps, non, mais nous, nous en allons, le temps ne fait rien à l'affaire, entre parenthèses, quand on est con, ça c'est Georges Brassens, alors qu'avec le temps, tout s'en va, ça c'est Léo Ferré. On peut trouver dans le stock de chansons et de poèmes toutes les apories du temps qui ne passe pas, qui existe pas, qui ne change pas, etc., etc., etc. Et donc, vous dites, la physique moderne doit rompre radicalement avec cette polyphonie, cette polysémie absolue du langage courant, où le temps est mis à toutes les sauces. Et par exemple, dire, comme Rosa, malheureusement, un certain nombre de passages de son livre s'appelle Accélération, le temps s'accélère, ça n'a strictement aucun sens, puisque l'accélération, c'est la dérivée seconde par rapport au temps l'espace. Donc, il y a une rupture radicale avec le langage courant, et vous dites, le temps n'est pas un objet, le langage échoue à en parler parce que le temps en soi, je vous cite, est un temps abstrait, linéaire, mathématique. Et vous dites aussi englobant. Quelque part, vous dites que c'est quelque chose qui peut être identique à l'être. On pense à Heidegger, l'être et le temps, quelque part. Et vous dites à un moment, du côté de Parménide, c'est-à-dire de la consistance intemporelle de l'être ou de Platon qui définit le temps comme l'image mobile du mouvement, l'image mobile, pardon, de l'éternité, excusez-moi, et non pas du côté de Héraclite ou même d'Aristote, etc. Donc un temps abstrait, universel, mathématique, dont le langage courant peine et mais échoue à en donner une signification quelconque. Mais pourtant, dites-vous, le principe de causalité implique et a, j'allais dire, obligé la physique à respecter l'enchaînement chronologique du passé, de l'avant, du maintenant précédé par l'avant et du futur que précède le présent et le maintenant. Et la question, évidemment, que je me pose, et je pense qu'on se pose, c'est évidemment comment concilier ce temps ligne respectant le principe de causalité, l'antériorité du passé. Le facteur temps ne sonne jamais deux fois. On ne peut pas revenir en arrière dans le passé, et donc il y a une flèche, direction, avec le temps abstrait mathématique des équations. Ce qui nous introduit, évidemment, au deuxième problème, à la deuxième question, qui me semble être un nœud de la pensée, de la théorisation physique du temps, le rapport entre réversibilité et irréversibilité du temps. Vous écrivez, à juste titre, la mécanique classique newtonienne définit un temps réversible. Le temps, son sens importe peu, les équations peuvent se prendre à l'endroit, à l'envers. Le temps va de pair, d'ailleurs, dans ce temps, avec le déterminisme, j'allais dire un déterminisme absolu, un déterminisme laplacien, hein, qui, comme vous savez, Laplace disait, si on connaissait la vitesse et la position de toutes les particules et les atomes existants dans le monde, on pourrait prévoir ce que serait ce monde dans 10 ans, 20 ans, 100 ans, 1000 ans, etc., etc. Bon. D'autre part, la découverte absolument fondamentale de la thermodynamique, et en particulier du deuxième principe, Maxwell, etc., Carnot, introduisant un temps irréversible via l'entropie, l'entropie qui fait que les choses dans le temps évoluent toujours du chaud vers le froid, ou plus précisément encore, j'y viendrai, du plus probable. Du moins probable au plus probable, donc une flèche de temps qui va vers la mort, le refroidissement, la fin de quelque chose. La solution possible que j'ai cru que vous empruntiez, que vous avez emprunté sûrement, c'est la solution jeu d'échelle. Si l'entropie résulte, et si l'entropie résultait plus exactement, à l'échelle microphysique, à l'échelle microscopique, d'un manque d'information et donc de la nature probabiliste de la mesure. Souvenez-vous, principe d'Heisenberg. On ne peut pas connaître à la fois la position et la vitesse parce que l'observation, l'introduction de l'observateur modifie ce qui est en fait une réalité probabiliste de où se trouve telle ou telle particule, tel ou tel noyau, etc., etc., etc. Révolution probabiliste qui fait que le temps pourrait continuer à être cet objet abstrait en soi innommable d'un certain point de vue, tout en générant à une certaine échelle et avec une certaine forme d'observation et de modèle, un temps irréversible allant toujours vers une augmentation de l'entropie. C'est ce que j'appellerais la révolution probabiliste qui a existé aussi dans les sciences humaines et sociales. Pensez à Durkheim, les variations concomitantes et au suicide et aux statistiques de suicide recueillies par son neveu Marcel Mauss à la fin du 19e siècle. Pensez à la microphysique et à ce qu'a signifié l'étude des perceptions, sensations, etc., avec l'outil probabiliste. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que sur le plan micro, on a réversibilité, mais on a une propriété émergente sur le plan macro. Et ce plan macro, c'est celui des temporalités, puisque là, il s'agit bien de se situer dans le temps et non pas d'essayer de définir ou de comprendre le temps. Donc, on pourrait imaginer des temporalité à étage, j'allais dire, allant d'une atemporalité de ce temps mathématique pur en soi, issu la gravitation, comme une des quatre forces fondamentales de la physique, vous connaissez, jusqu'à ce qu'on pourrait appeler je prends le vocabulaire de Fraser, une néo-temporalité, les temporalités sociales, en passant par des temporalités intermédiaires, proto-temporalités, éco-temporalités, biotemporalités, donc des émergences à partir de ce niveau fondamental, abstrait, atemporel du temps de la physique. La question que je me pose après avoir essayé de comprendre votre position sur ces questions, est-ce que en fait il n'y aurait pas deux façons de comprendre le monde dans la physique contemporaine? Soit une façon issue de cette réversibilité, de ce temps englobant et par définition non atteint par l'histoire, un historique, et un autre temps temporalité qui serait un temps historique où on raconterait toujours une histoire, l'histoire d'un début, d'un milieu ou d'une fin. J'ai trouvé, je pense, chez Wittgenstein, je ne suis pas sûr de ma référence, cette formule que je trouve intéressante. Il existerait une béance entre notre représentation du monde, ce qui est dans le temps, phénomène temporel, et le monde lui-même, coextensible avec le temps en soi. Est-ce que cette façon de voir les choses rend compte de ce qui pourrait être un dualisme entre temps réversible en soi et temps irréversible temporalité. On aurait, d'un certain point de vue, et ça va me permettre d'entrer dans la troisième partie, il y aurait en quelque sorte trois métaphysiques du temps compatibles avec la physique contemporaine existante, une sorte d'éternalisme, immobilité fondamentale, atemporalité ou à historicité du temps, et qui serait plutôt un temps réceptacle ou un temps englobant qu'un temps linéaire, c'est-à-dire un temps qui englobe et qui sous-tend toutes les temporalités existant dans le temps. Un deuxième qui serait, qu'on appellerait ou qu'on appelle souvent le possibilisme, c'est-à-dire une sorte de législation des formes de transformation dans le temps et de rapport entre passé, présent, avenir, futur, donc une sorte de théorie générale du devenir. Et enfin, un présentisme comme flux toujours mouvant, comme une sorte de transformation permanente, est marqué par l'incertitude et l'indéterminisme fondamental, ce qui évidemment serait une révolution, une rupture avec la physique classique, avec la physique et la mécanique classique. Si on part dans cette direction, à la fois plusieurs échelles de temps, plusieurs façons de s'imaginer le rapport du temps et de l'histoire, d'historicité, et plusieurs représentations métaphysiques du temps, on comprend mieux ce que, par exemple, Einstein disait en 1920, lorsqu'on lui a fait connaître cette expérience que je trouve formidable de courrière ou catastrophe minière de 1906, qui a fait plus de 1000 tués, 1200 et des poussières dans le bassin du Pas-de-Calais, et où une vingtaine de survivants, une douzaine de survivants, pardon, sont émergés, ont réapparu au bout de 20 jours d'errance dans les profondeurs de la Terre, et on a eu l'intelligence de les interroger séparément sur combien de temps êtes-vous restés au fond. Et les 12 personnes ont tous répondu 5, 6 ou 7 jours. 5 minimum, 7 maximum. Et lorsqu'on a relaté cette expérience à Einstein, je crois en 1920, il a dit manifestement, il existe un temps psychique différent du temps physique. La question qu'on se pose, est-ce que c'est un rapport différent au temps physique ou est-ce que c'est un autre temps que le temps physique ? J'ai 5 minutes pour terminer. Et ça me suffira. Et donc, il faut qu'on s'interroge sur la façon dont les sciences psychologiques d'abord et sociales ensuite ont tenté de traiter la question des temporalités, puisqu'il s'agit bien de phénomènes qui se passent dans le temps, qui ont de l'historicité quelque part, et qui se distingue du temps de la physique tout en étant, je veux dire, interrogé ou orienté par lui. Et ce qui me semble caractériser aussi bien la réflexion des sciences psychique, que les sciences psychologiques, que des sciences sociales sur le temps, c'est le caractère stratégique de l'orientation vers le futur. C'est-à-dire le fait que, aussi bien dans l'analyse de la machinerie cérébrale des sciences cognitives que dans l'analyse des comportements humains, des mouvements sociaux, collectifs, etc., que d'ailleurs dans la philosophie, par exemple, d'Heidegger, ce qui caractérise le temps humain ou le rapport humain au temps, et c'est toujours évidemment la question qu'on se pose, c'est l'orientation vers l'avenir, c'est l'élasticité, le caractère émotionnel et surtout l'orientation par le désir et par la volonté possible ou la contrainte collective possible. J'ai interrogé, je ne vous en parlerai pas, et abordé dans mon texte, le temps de la psychanalyse, qui me paraît être un exemple princeps de l'éclatement de ce temps soi-disant uniforme, abstrait et général, y compris avec cette extraordinaire découverte de Freud de l'après-coup, c'est-à-dire de la possibilité, par le souvenir, la mémorisation, la verbalisation, de changer quelque chose à son passé au sens de ce que l'on raconte et ce que l'on tire comme sens de quelque chose de vécu dans le passé, après-coup, qui remet en question cette relation déterministe de l'avant, du maintenant et du futur. Et je trouve qu'il y a entre l'histoire, on va faire, de la psychologie du temps, et notamment tout ce que Paul Fraisse nous apporte dans sa synthèse, et l'histoire des temporalités sociales que de Halvax à Grossin et à bien d'autres, on peut refaire l'histoire, il y a cette double caractéristique, la centralité du rapport au futur, je n'y reviens pas, et le fait que il s'agit du temps de l'action, que aussi bien dans les sphères cérébrales que dans les analyses phénoménologiques ou historiques, le temps sert d'abord à agir collectivement, à se repérer dans l'action collective, à produire de la gouvernance temporelle de l'action, aussi bien au niveau d'ailleurs de l'organisme, de la sécrétion cérébrale, etc., que de l'histoire humaine et de la manière de le raconter d'une manière ou d'une autre. J'en ai terminé, sauf à dire que il y a une question très difficile à poser et à comprendre. Vous décrivez, par exemple, que toutes les cultures, notamment la chinoise, il y en a bien d'autres, n'ont pas de mots pour désigner ce temps en soi, donc cette catégorie abstraite maniée par la physique, mais seulement des mots pour désigner les différents temps de la vie, époque, saison, etc. Donc ces temporalités culturelles, sociales, psychiques, diverses, et leurs mesures, leurs coagulations. Est-ce que l'on peut parler de culture du temps, ou est-ce qu'il s'agit radicalement de temporalités différentes selon les lieux, les époques, les modèles, les représentations, les pluralités de construction du temps? C'est évidemment une question essentielle pour parvenir à un dialogue possible entre les physiciens et les, j'allais dire, spécialistes, entre guillemets, du temps en soi, et toutes les temporalités, qu'elles soient humaines, psychiques, sociales, et finalement historiques. Est-ce que la question de la relation entre ce temps de la physique et le temps ou les temps du langage, d'une part, et les temporalités des autres sciences, vous paraît être une question réglée, je dirais une question rédhibitoire, à tel point qu'il faudrait presque plus parler du temps quand on parle du temps physique, mais peut-être de petit t, hein, je veux dire, ce qui nous évite de se prononcer, ou est-ce qu'il y a un dialogue possible entre ces différents points de vue, ces différents modèles et ces différents mots. Voilà. Merci.